Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence qui a pour titre « Les périodes critiques de la vie 1 ». Je me présente, je suis Annie Poisson, écrivain. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique. Bonsoir, je suis Jacques Lapointe, homme d'affaires. Parce qu'il y en a qui n'ont pas entendu. Bonsoir. Ouais, ça a été un micro. Donc, les périodes critiques de la vie. Oui, bien juste avant, une période critique... de début de conférence, je vais faire des petites mises au point probablement à chaque conférence en ce qui me concerne et en ce qui concerne les conférences que je donne, de façon à mieux situer les personnes qui viennent assister aux conférences et de façon à mieux situer les personnes qui n'assistent pas aux conférences mais qui écoutent l'enregistrement sur cassette par la suite. Premièrement, c'est extrêmement important de comprendre que ce que j'amène, c'est du matériel qui souvent est neuf. L'être humain doit, si possible, essayer de vivre sa vie en étant son seul maître. Ça veut dire que ce que j'amène n'est pas une vérité pure, ce n'est pas une vérité absolue. Ce que je dis ce soir, ou ce que je vais dire ce soir, ou ce que je dis lors des conférences, c'est normalement toujours extrêmement réel, mais c'est bon pour le temps pour lequel cela a été dit. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que toutes les personnes ont de l'intelligence. La majorité des humains de la planète n'utilisent pas leur intelligence, ils utilisent leur intellectuance, c'est-à-dire leur mémoire. C'est dommage. L'intelligence, chaque fois que l'intelligence est apparue dans le contexte planétaire à travers l'historicité humaine, l'humain en a fait une religion. Et vers la fin du 20e siècle, début 21e siècle, l'expression de l'intelligence à travers certaines personnes ne permettra pas cette fois-ci la création de nouvelles religions. Il y aura progressivement, probablement, l'apparition d'une religion mentale, la dernière grande religion qui va apparaître. Les religions sont supposées permettre la liaison entre l'homme et des forces que l'homme peut appeler divines. La problématique des religions dans la réalité, c'est qu'aucune religion n'autorise l'homme à se libérer d'elle-même. Toutes les religions sont des prisons. Parce qu'une religion ne veut pas qu'une personne la quitte. Alors moi, ce que je dis dans les conférences sont des choses qui sont utilisables, sont des choses qui doivent être analysées par votre intelligence. Ce ne sont pas des vérités. Et si un jour, à travers les conférences, je donne l'impression que je promets des choses, sachez que je suis un grand menteur. L'homme doit être son seul maître, l'homme, la femme, l'enfant. Son seul maître, ça veut simplement dire que sa vie devra être déterminée par sa conscience, par son intelligence. Et le discours global de mes conférences, c'est d'amener la conscience chez l'être humain à s'éveiller suffisamment pour que l'être humain vive sa vie et cesse de vivre la vie qu'on lui fait vivre. Période critique. Qu'est-ce que tu entends par une période critique? Je n'entends rien, mais c'est pas moi qui choisis les titres. Toi, François? Non, peut-être genre, j'espère, sinon on va à la fin. C'est toujours hier, les périodes critiques. Oui, bien ça peut être demain. On va parler des périodes critiques de demain. Parce que les périodes critiques traditionnelles, on va dire qu'il y a l'enfance, l'adolescence. Ah, cinq, non, c'est pas ça au moins des périodes critiques. Ce serait bien plus le mariage, le divorce. L'après-divorce. L'après-divorce, la mort, c'est une période critique de la vie. La naissance. Oui, la naissance. Non, l'enfance, ce n'est pas une période critique de la vie, l'adolescence non plus. La crise de l'adolescence, c'est une période critique de la vie parce que c'est une maladie mentale qui se développe à l'intérieur de nos adolescents, adolescentes, puis les sociétés humaines laissent aller ça. OK, là, il va falloir t'expliquer ça parce que c'est une maladie mentale, là, ça passera pas. Toi, t'es encore en adolescence? Non, c'est ça. Je la contrôle, ça va. Mais... Bon, je vais expliquer rapidement. C'est ça. Prenons-toi, François. Je suis habitué. François, disons, est végétarien. Bon, il est végétarien. Hein? François est végétarien. Et François, il a une femme, il a des enfants. Il est travailleur. Il ne prend pas de drogue, actuellement. Il ne fume pas. Il ne boit pas. Et dans les six prochains mois, progressivement, François commence à être plus violent que sa femme, commence à prendre de l'alcool, commence à manger de la viande, de moins en moins travaillant, de plus en plus impoli, rude, il commence à fumer du joint de temps en temps, il s'habille avec des affaires un peu bizarres, il se tient dans les bars. Qu'est-ce que l'entourage de François va penser? Il vit un maudit problème. Mais si François avait 13 ans, puis qu'à 14 ans, il est rendu de même, on va dire, c'est normal. C'est son adolescence. C'est ça que je veux dire. Quand un adulte, si un adulte vit la perturbation puis la mutation psychologique, comme souvent les adolescents la vivent pendant leur crise, l'adulte peut être interné immédiatement. Mais c'est sûr que les sociétés humaines se balancent royalement des enfants. Bon, ça, c'est pas un problème. Individuellement, on aime ça, mais socialement, on s'en fout. Bon. Alors, au Québec, on n'est pas mieux que les autres. On a le plus haut taux de suicide infantile au monde, le plus haut taux de décrochage scolaire au monde, puis etc. Bon. On est pire que les autres, d'après ce que... Disons qu'on le revendique plus, en tout cas. Mais ailleurs, c'est pas mal la même chose. Quand, puis demain, il y a au moins les deux tiers de la planète Terre où les jeunes n'ont pas le temps de se suicider parce qu'on les suicide avant. Mais ici, c'est parce qu'on ose le comptabiliser. Oui, c'est ça. Le Québec n'est pas pire, sauf qu'il ne faut pas penser que ça va bien, ça va pas bien. Socialement, la jeunesse, la société se fout de la jeunesse. Mais là, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que si un jeune, à un moment donné, vous savez, l'enfant, dernièrement, il y a une femme qui passait à la télévision, une mère, son fils de, je crois, 13 ou 14 ans, a tué quelqu'un avec d'autres personnes. Puis elle a dit, j'en reviens, je ne peux pas comprendre. Là, 6 mois, il écoutait la télévision avec moi, il passait son temps à venir se coller sur moi, il jouait du Nintendo, c'est un enfant doux. Puis les derniers 6 mois, il a tellement changé, je ne le reconnais plus du tout, puis là, c'est ramasse qu'il vient d'aller tuer quelqu'un. Mais là, c'est ça. Là, on va dire, c'est normal, ça, c'est la crise de l'adolescent. C'est une maladie mentale. Mais c'est pas que l'enfant est fou, là. Mais c'est une période critique. Ça, c'est une période critique de la vie. Mais on va la sauter. Pourquoi? Parce que la majorité ici ne sont pas adolescents ou adolescentes. Mais c'est une période, on se rappelle pour plusieurs, une période où, à un moment donné, on ne comprend plus rien, où on remet tout en question, où ses parents qu'on aimait tant, on les haït souvent, on ne les respecte plus, où, à un moment donné, tout ce qu'on était, nous, en tant que jeunes, c'est plus ça du tout. Subitement, on a un besoin fou de devenir un adulte, dans la majorité des cas. Pour plusieurs autres personnes, c'est carrément à l'inverse. Ils vont tout fuir, ils ne voudront pas être un adulte. La jeune fille va s'écraser les seins pour en avoir, le gars va se raser un peu partout pour ne pas en avoir non plus, etc. Il y a une période là qui est assez terrible et la majorité des humains vont traverser rares sont les humains qui traversent l'adolescence sans faire de crise. Bon, moi, j'ai pas eu de crise, t'as pas eu de crise, je pense pas. Bon. Les psychologues qui vont dire ah, t'as pas eu de crise, ça va être en vie plus tard ta crise. On va peut-être voir 40 ans. Mais on verra bien. Le jeune, il aime le bleu. À 8 ans, il aime le bleu. À 12 ans, il aime le bleu. À 16 ans, il aime le bleu. À 20 ans, il aime le bleu. À 35 ans, il aime le bleu. Ce que je veux dire, c'est que ce que le jeune trouve intelligent, bien, une fois adulte, trouve ça aussi intelligent. Ce qu'il trouve stupide, bien, une fois adulte, trouve ça aussi stupide. Normalement, ce jeune-là, cette jeune-là, n'a pas vécu de crise. Elle a vécu une adolescence où elle va devoir constater des mutations physiques. Elle va devoir lutter énormément contre un paquet de pilonnages réincarnationnels. Ça veut dire qu'à l'adolescence, le corps physique de l'enfant commence à pouvoir sécréter plus d'hormones. Il peut être reproducteur, donc la sexualité peut commencer. Et du monde astral, du monde de la mort, il y a une quantité phénoménale de mémoire réincarnationnelle d'adultes qui veulent violer le corps de l'enfant pour en prendre possession de façon à pouvoir s'en nourrir émotivement. Et là, l'enfant ne se reconnaît plus. Les adultes qui le réincarnent ne reconnaissent pas le bonhomme et la bonne femme qui sont en avant, qui sont les parents de l'enfant. Fait qu'ils envoient carrément chier. L'adulte fumait, il se droguait, il faisait ci, il faisait ça. Fait que l'enfant va avoir des tendances à vouloir le faire. L'enfant ne se reconnaît plus du tout. Il y a une guerre entre le jeune et ce qui est en train de le tuer. Puis normalement, ben, ça prend plusieurs années. Et puis par la suite, la majorité des jeunes rendus vers le, mettons, après l'adolescence, sont d'un amalgame, mais sont rarement ce qu'ils étaient avant. Maintenant, ils sont plus ou moins amochés. Et certains sont totalement morts. Les jeunes sont disparus. Ce qui reste maintenant, c'est de l'adulte. Parce qu'habituellement, quand on parle de période critique, on parle dans la vie de quelqu'un, c'est que tout le monde va nécessairement passer par là. Ben, tout le monde, non, mais disons que presque tout le monde. La majorité. C'est ça. C'est-tu obligatoire ou des périodes critiques? Oui, non, il n'y a pas d'obligation là-dedans. Est-ce qu'il y a des périodes... Les gens n'ont pas le choix. Il y en a des périodes qui ne sont pas critiques. Ouais, dans ton cas, peut-être pas. Parce qu'il y a du monde comme ça qui vont étirer les périodes critiques pendant des années et des années. Vous en connaissez. Le gars, la fille qui tombe en amour, puis qui s'engueule, chicane, puis il casse, puis deux semaines après, il tombe en amour, puis après la 20e fois, ça commence. Il y en a qui étirent les périodes critiques pas mal tout le temps. Bon, il y en a, hein? Mais c'est pas... On a de bonnes périodes dans la vie. La vie reste une insulte de l'intelligence de l'homme. Mais on a quand même de bonnes périodes quand, à un moment donné, on nous laisse en paix, on a la paix. C'est qu'il ne se passe plus rien. Oui, mais ces périodes de paix-là, j'ai l'impression qu'ils sont là pour entre d'autres périodes critiques. Simplement pour nous, ça s'occupe de tout le monde. Il faut bien qu'ils en lâchent un peu pour aller en taper un autre. OK, tu dis, ils sont pas assez nombreux. C'est-tu tout ce qui est dans l'astral qui vient manipuler l'homme? C'est-à-dire que tout ce qui devient critique, c'est parce que ces interventions-là non. de l'astral sont présentes? Non, je vais définir une période critique pour revenir au début. Les périodes critiques de la vie de l'homme, de la femme ou de l'enfant sont des périodes où, subitement, l'être humain prend conscience. Et ça devient une période critique. Prendre conscience, ça ne veut pas dire apprendre. Prendre conscience, ça veut dire vibrer à ce qu'on perçoit ou vibrer à ce qu'on a appris. Alors, par exemple, vous pouvez apprendre que, bon, pendant longtemps, disons, l'homme ici du Québec, là, c'était normal de battre sa femme. Et puis l'homme, il bat sa femme, il bat sa femme, il bat sa femme. À un moment donné, il apprend que c'est pas correct. Il bat sa femme quand même. Là, je lui demande, tu sais que c'est pas correct? Oui, je sais bien que c'est pas correct, mais qu'est-ce que tu veux, c'est plus fort que moi. L'homme est manipulé. Et à un moment donné, il prend conscience subitement que c'est pas correct. Mais là, il va broyer. Là, il va saillir. Là, ça va être bien différent. Alors, il y a l'individu qui ne le sait pas, il y a l'individu qui sait quelque chose, puis il y a l'individu qui subitement se rend compte que ce qu'il sait est vrai, ou bien que ce qu'il sait est faux. Une des périodes critiques de la vie, par exemple, que plusieurs personnes vont vivre, c'est lorsque subitement ils découvrent que la religion à laquelle ils adhéraient, disons, est peut-être chouchepec. Alors, à un moment donné, la personne découvre que plus ça va mal, plus on prie Dieu, plus ça va bien, moins on le prie. Fait que, est-ce que Dieu, il veut tellement qu'on le prie qu'il nous bûche dessus pour qu'on le prie plus? La personne va peut-être se rendre compte, finalement, qu'après la perte de l'un de ses enfants, par exemple, en bas âge, ou etc., que peut-être que Dieu n'est peut-être pas si bon qu'on pense, ou un enfant qui est né handicapé, ou tout le paquet de saloperies qui se passent à l'échelle de la planète Terre. Mais quand un être humain, à un moment donné, finit par se rendre compte, quand un être humain se dit simplement, écoute, Dieu est bon parce que moi, il m'a donné deux yeux, tu sais, bon, Dieu est bon. Mais si on additionnerait toute la marde humaine, on la comparerait aux bénéfices humains, on verrait que Dieu, s'il est bon, il n'est pas là souvent. Parce que la majorité des humains ont des problèmes. Donc, ça penche bien plus du côté du malheur, ça fait le temps, que du côté du bonheur. Puis, à un moment donné, un être humain va conscientiser subitement qu'il y a un problème majeur dans son affaire. Et là, il ne peut plus aller à l'église. Il ne peut pas ne pas y aller. Donc, c'est quand il dissonne qu'il y a une période critique. Une dissonance de vie. Pas juste une dissonance cognitive. Une dissonance cognitive, c'est quand on est pris à faire un choix entre deux choses. L'être humain n'est pas bâti pour faire des choix. L'être humain n'est pas capable de faire un choix. L'être humain va expliquer là où on l'entraîne, en disant, ben j'ai choisi ça, parce que, etc. Puis sinon, il va dire, ben oui, je me suis trompé. Mais l'être humain n'est pas bâti pour faire un choix. Le moment que l'humain a un choix à faire, il y a un stress qui commence à apparaître chez lui. C'est ce qui le fait vieillir, c'est ce qui le rend malade, c'est ce qui va le tuer finalement. Mais une dissonance de vie, c'est autre chose. C'est lorsque l'humain ne sait plus. C'est lorsque, lorsque l'humain ne sait plus pourquoi il vit. Ou lorsque l'humain ne sait plus s'il devrait continuer à vivre, ou lorsque l'humain ne sait plus comment il devrait vivre. Ça devient un point tournant de sa vie, c'est que là, il peut prendre différents embranchements. Oui, un peu la même chose, comme à un moment donné, tu décides que tu divorces de ta femme. Ben là, tu arrives à une fourche majeure au niveau de ta vie. Et puis là, ben là, il y a les enfants, mais il y a la femme, il y a ci, il y a ça, il y a tout un paquet de choses qui vont se passer. Puis nécessairement, toi, en traversant cette étape-là, tu vas te former. Bon, soit en restant avec ta femme, soit en quittant ta femme, tu vas te former. Sauf que c'est une étape critique pour la simple raison que la majorité des humains ne sont pas capables de vivre convenablement ces étapes critiques-là. Ils paniquent. Ils se dégradent. Ils vont boire. Ils vont devenir alcooliques. Ils vont devenir violents. Ils vont se droguer. Ils vont laisser leur emploi, laisser tout ce qui les entoure. Tu dis, ça va, si c'est vivre cette étape-là ou cet événement-là, ça va le former. Mais ça veut dire qu'on a encore besoin des problèmes que la vie apporte pour nous former. C'est tout ça que ça veut dire? Ça veut dire que c'est encore au mérite, c'est encore le malheur qui va nous donner le coup de pied derrière ou nous faire réagir pour avancer. Ça revient encore dans la même affaire. Bon, il y a un phénomène absolument aberrant à l'échelle planétaire, c'est que l'humain a absolument besoin encore de souffrir pour être capable d'avancer. Ça, c'est un principe qui, antérieurement, était facile à expliquer, étant donné que l'être humain a encore complètement oublié son utilité cosmique, il reste planétaire. Alors, si l'être humain est donc investi, si l'être humain serait uniquement de la chair, ben nécessairement, il vivrait sa planète, puis il mourrait, puis ça finirait là, puis il ne se passerait rien. Alors, l'humain est investi d'une énergie qui, ésotériquement, porte le nom d'énergie luciférienne. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière dans les termes bibliques. Et puis, l'homme, tous les humains sont investis au niveau de leur ego, de cette énergie luciférienne. Lucifer, lui, c'est, on va dire, disons que sa fonction a été d'investir l'humain pour donner à l'humain le goût de sacrer son camp, la planète. Bon, c'est évident que pour expliquer ça à l'humain dans la Genèse biblique, par exemple, puis on relate aussi la venue de ce porteur de lumière-là dans d'autres religions, bon, pour comprendre, on va dire, Lucifer a trahi Dieu, puis souvent, on va dire que ben, il a voulu faire avancer l'homme trop vite, puis finalement, en dehors des plans de Dieu, fait qu'il a été puni, puis il restait pogné sa planète. Mais c'est pas ça, la vraie... Bon, c'est une explication pour que l'humain comprenne, mais Lucifer n'a pas voulu faire avancer, c'est prévu. Prenons juste l'exemple philosophique, le Dieu est parfait, donc tout ce qu'il fait est parfait. Donc, à part ça, on est parfait. Bon. Là, après ça, on va dire, oui, mais nous autres, on est devenus imparfaits parce que selon nos choix... Non, si on était parfait, tous nos choix sont parfaits. Et c'est clair, t'sais? Ça soit Dieu autant de risques que de nous autres de se tromper de bord. Si on était à son image, fait, imaginez-vous si on a de l'air, et qu'il y a des j'espère que lui, il dort. Ben, c'est une possibilité que Dieu soit... Oui, c'est sûr, mais n'empêche que... Et puis, si Dieu est parfait, puis Dieu a envoyé Lucifer, puis Dieu a créé Lucifer, ben Lucifer ne peut pas tromper Dieu. T'sais? Lucifer ne peut pas trahir Dieu, sauf si c'était prévu par Dieu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la matière investie de cette énergie luciférienne, une énergie qui va faire en sorte que l'humain va sans arrêt regarder, on va dire pour l'instant, en haut. C'est-à-dire que l'humain va avoir un vécu spirituel, l'humain va rechercher les contacts avec un être créateur, il va rechercher un contact avec un être cosmique, il va rechercher un contact avec un être disparu, il recherche quelque chose d'autre que la matière. Si l'être humain est uniquement luciférien, il se suicide immédiatement. À l'instant où il commence à avoir un petit peu de conscience, il se suicide. Bam! Fini la matière. Parce qu'il n'y a rien de plus épais que de naître, souffrir, être malade, vivre, travailler, etc., puis mourir. C'est pas fort. C'est comme stratégie, c'est pas fort. Alors, le moindre moment que l'humain devient conscient un petit peu, il se suicide. Pour éviter que l'humain se suicide, l'humain est aussi investi d'énergie sataniennes, reliées à Satan. Les énergies sataniennes sont des énergies qui ont la capacité de nourrir énergétiquement la partie luciférienne, donc celle qui a besoin de salut, donc de sacrer son camp, de sacrer son camp. Alors, les parties sataniennes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont être capables de transformer l'énergie hormonale de l'homme, de la femme ou de l'enfant, en énergie plus spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie sataniennes va avoir la capacité de vous faire aimer la nourriture que vous mangez, de vous faire aimer les relations sexuelles, de vous faire aimer l'alcool. C'est la partie qui donne l'espoir. Ouais, non, ça c'est la partie satanienne. Elle, ce qu'elle fait, c'est quand tu viens de te suicider, tu te dis, ouais, mais bon, je fais qu'avant peut-être. Fait que là, ça prend ton fake. Ou là, tu penses à tout ce que la vie matérielle peut t'amener, te garde en vie. Mais si tu n'avais pas la partie luciférienne, tu ne serais que matière. Tu mangerais, tu serais gros, tu aurais, bon, ça n'aurait rien à voir. Avec la partie luciférienne, au fur et à mesure qu'elle peut s'émanciper dans les corps physiques, tu finis par te dire, écoute, il n'y a pas rien que la matière. Fait que, mais quand t'es de partir, tu te dis, écoute, ouais, mais d'un coup que... Alors, ça te permet de rester un être de lumière, dans un corps de chair, dans un contexte planétaire. C'est comme celui qu'on connaît, qui est intéressant. Qui est ça te permet de te faire charrier de gauche à droite. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est-à-dire que ça te permet de rester en vie, malgré qu'on va te charrier de gauche à droite. Mais tu ne seras jamais content, parce que de toute façon, tu vas toujours vouloir un peu plus, ou que tu reviens. Tu ne peux pas être content, effectivement. Pourquoi? Parce que présentement, tu n'as pas été capable de te centrer suffisamment dans ton intelligence. Donc, tu es un être qui est associé aux énergies sataniennes et luciériennes. Ça veut dire que quand tu es trop spirituel, tu peux rentrer dans une secte, tu peux rentrer dans une religion, tu peux rentrer dans un monastère, tu mets toute ta vie dans la religion. Puis, à un moment donné, quelque part là-dedans, ben, les énergies sataniennes peuvent revenir te rechercher. Ce que certaines églises ne voudront pas, parce qu'ils vont dire « Satan, c'est dangereux ». Sauf que le gars ou la fille extrêmement intelligente, enfermé dans un couvent, c'est pas nécessairement très utile au niveau planétaire. À un moment donné, les énergies sataniennes viennent te rechercher, puis souvent, ils viennent les chercher là-dedans quand même, mais ça paraît moins, là, bon, on le dit pas. Là, tu sors du couvent au bout de 15 ans, puis là, nécessairement, tu vas aller rechercher une autre quantité d'énergie, C'est là, bon, puis là, tu peux te vouloir abandonner parce que t'as amour de spiritualité qui t'a gâché ta vie, etc. Là, tu te lances en matière au maximum, puis au bout de 15-20 ans encore, la matière n'aura pas pu te satisfaire non plus. Parce que, maintenant, c'est l'énergie luciférienne qui va revenir. Donc, tu vas pas te dire, ouais, peut-être que je vais tout de suite rentrer dans une autre religion, adopter l'ésotérisme. L'humain, présentement, tant que l'humain n'est pas centré dans son intelligence, il reste le jouet de l'énergie satanienne, arimanienne aussi, c'est-à-dire l'énergie de luxure. Mais ça, c'est assez rare, mais là, c'est le luxe qu'il va vouloir aller chercher pour se nourrir. Alors, l'humain, tant que l'humain n'est pas centré dans son intelligence, il est le jouet des énergies spirituelles. Des extrémités. Ouais, et des énergies matérielles. C'est ce qui fait qu'il va toujours chercher le bonheur à l'extérieur, dans le bonheur, quoi, tant que... ça se trouve pas comme ça, c'est pas un lieu. Oui, mais ça, si tu demandes ça à tout le monde, si tout le monde va dire qu'il veut être heureux, donc on cherche quand même le bonheur, c'est un absolu, là. Tu recherches un état où tu veux être heureux, puis finalement, tant que t'es pas centré, ben tu cherches toujours quelque chose à l'extérieur, puis tu l'auras jamais, tu toucheras jamais ça. Ou tu cherches d'être moins malheureux. Ben, c'est ce que souvent l'humain fait, mais l'une des façons les plus employées par l'être humain pour être moins malheureux, qu'est-ce que c'est? C'est obscurcir sa conscience. Là, il est moins malheureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand t'es conscient, là, tu te rends compte de la merde qui se passe, là, fin du coup, là, c'est au bas, du coup. T'oublies. Il n'y a plus de problème, à un moment donné. Là, tu fais une couille de tes examens, là, prends une petite sniff. Puis là, plus de problème avec les examens à l'école. Pas grave. Là, t'es moins malheureux. Mais t'es pas plus heureux. Mais effectivement, t'es moins malheureux. Mm-hmm. Ça retarde la période critique. Ben, ça fait juste retarder la période critique. Ça peut être comme regarder les films, ça peut être, bon, toutes les fuites humaines sont des façons de se rendre moins malheureux. Mais quand on dit ça retarde la période critique, c'est parce qu'il faut penser à elle va venir quand même. Ah oui, mais tu n'as pas besoin avec ça. Je t'ai dit, c'est pas obligatoire. Et personne ne va y échapper. Mais c'est... Ben, bon, quelques rares personnes, quelques rares, oui. Mais les périodes critiques ne sont pas nécessairement... C'est une période critique, pas une période douloureuse. Une période critique. Hein, c'est déjà mieux? Oui, c'est mieux. Oui. C'est une période critique. Ça veut dire que dépendant c'est de normalement que l'humain plante. Ça veut dire que c'est pas nécessaire qu'il plante, mais normalement, il plante. Mais si je reviens à ce que tu disais tantôt, si tu es centré, ou dans la mesure où plus tu es centré dans ton intelligence... C'est quoi être centré dans ton intelligence? C'est ça que j'allais dire. Là. C'est un petit peu des deux, être centré dans son intelligence. Être centré dans son intelligence, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous ne pourrez pas appliquer ça tout de suite comme ça, là. C'est être capable de constater. Bon, je vais expliquer ça. Ça peut être plus long, je pense. Hein. Fais-donc un dessin. Mais ça vaut la peine. Parce qu'on n'est pas dans le bon monde. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans ce monde-là. Il y en a d'intelligence dans ce monde-là. Ouais, mais il n'est pas évident. C'est insultant, ça. C'est insultant, il est assis à côté de toi et il dit ça. Il peut bien vendre des lunettes. Mais. Dans l'intelligence, il y en a dans tout le monde, puis on en voit, c'est évident. Mais on voit plus d'autres choses. Au niveau de toute la structure de la ça dépend. Il faut être capable de voir au-delà de notre vision spirituelle de ce que devrait être le monde. Comme par exemple, on a des guerres. Dans l'ex-URSS, il y a des guerres. Il y avait des guerres avant dans certains pays. Quand l'Union soviétique s'est développée, ça a mis fin à ces guerres tribales-là. Puis maintenant, 50 ans après, vu que l'URSS disparaît, les guerres reprennent. Bon, donc, ils ont retardé. Donc, on cherche l'intelligence. Ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que karmiquement, ces peuples-là ont des choses à purifier. Puis l'intervention, la paix soviétique, a été une nuisance du point de vue politique. Encore une affaire en attendant que ça arrive. Ça, voilà. Alors, on va dire, oui, mais l'intelligence du fait qu'ils se battent, je trouve ça stupide qu'ils se battent. Bon, pas les gens. Les gens sont pas stupides. Les gens sont manipulés. Il n'y a pas un seul là-bas qui veut se battre, ils sont en train de s'entretuer. Mais ce que je dis simplement, c'est que l'être humain spirituel va dire, oui, mais ce n'est pas intelligent, il devrait vivre en paix. La problématique, c'est que l'humain, pour être en paix, doit être heureux, doit être joyeux en réalité. Puis pour être joyeux, il doit être centré dans son intelligence. Et pour être centré dans son intelligence, il faut absolument que l'humain arrive au bout de l'espoir qu'il place dans l'énergie matérielle, satanienne, et dans l'espoir qu'il place dans l'énergie spirituelle. Tant que l'humain n'est pas rendu au bout des deux, il ne peut pas se centrer dans son intelligence. Donc, si je vais, par exemple, en Bosnie... Pardon? C'est obligatoire. D'être centré? Non, d'être au bout des deux. Oui. Mais tant le bout n'est pas le même bout pour tout le monde. OK. Bon. Ça ne veut pas dire descendre dans le creux, nécessairement. Oui, il y en a qui sont plus loin. Donc, ce qui arrive, c'est que... présentement, si je vais en Bosnie et je leur dis, écoutez, c'est donc vous casser la gueule, ils vont te dire, on est d'accord. Là, je vais dire, bon, mais c'est simple, arrêtez. Fait que là, je vais prendre, par exemple, un mec, je le présente devant un autre, puis immédiatement, ils vont sauter dessus. Ils sont d'accord, tous les deux. Sans arrêt, il y a des cessez-le-feu. Pourquoi il y a sans arrêt, il y a des cessez-le-feu? C'est parce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est pour ça que sans arrêt, il y a des cessez-le-feu. Il y en faudrait un, ça correct. Mais c'est ça, mais si tu dis que les deux gars sont d'accord, puis ils se battent pareil. Je répète encore, les Anglais au Canada, ils veulent avoir simplement l'abondance, la richesse, la sécurité pour eux autres et leurs enfants. Les Québécois veulent avoir l'abondance, la richesse, la sécurité pour eux autres et leurs enfants. Les Amérindiens veulent la même chose. Tout le monde a la même affaire. Mais tout le monde a peur que les autres leur enlèvent. Tout le monde sa gueule sans arrêt. Bon, c'est... L'humain veut tellement faire le bien, puis comme il le fait mal, ben ça crée des problématiques. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut absolument que l'humain puisse être capable de se dissocier totalement de la mécanique luciférienne, tout le monde, il est beau, il est gentil, hein? Puis la mécanique matérielle où on veut des tabarnouches pour le cours à la gueule, ils vont comprendre, du point de vue humain, d'aller chercher de la matière. La matière est extraordinairement utile. Alors l'individu qui se ramasse uniquement pris par les énergies spirituelles, souvent, ils vont vouloir abandonner la matière, alors que la matière est un bien absolument essentiel pour donner la richesse à l'homme, à la femme et à l'enfant. Puis la richesse, c'est le temps et l'argent. L'argent, évidemment, c'est un symbole de la matière. Ça veut dire qu'au lieu de passer notre temps à chasser, à cultiver, à rien faire d'autre, bien, si on est capable d'avoir de la matière, on va être capable maintenant de se servir de nos têtes, de faire d'autres choses. Bon. Maintenant, l'être humain qui va vers la spiritualité va perdre le contact avec la matière dans la majorité des cas. Être riche, c'est pas correct. Alors que dans la réalité absolue planétaire, être pauvre, c'est un péché. On veut chercher un péché. C'est pas un péché, c'est un état. Mais ce que je veux dire, c'est que l'être humain ne devrait pas être pauvre. Bon. Maintenant, l'être humain qui s'en va vers la matière, vers l'argent, vers les affaires, etc., à un moment donné, il va laisser tomber le spirituel. Parce que de toute façon, on est dû pour mourir. Fait que moi, je suis pour... Et puis, ça arrange de rembourser du fric. Mais un jour, il va se rendre compte qu'effectivement, il est dû pour mourir. Il est en train de mourir, là. Mais c'est là que sa période critique commence, quand il prend conscience. Il y a plusieurs périodes critiques, mais le gros du gag, c'est quand tu passes en avion au-dessus d'un champ de bataille et que tu vois les deux bords, les ennemis, faire leur signe de croix avant d'aller se battre, tu dis, Dieu, il doit avoir des maudits problèmes de dissonance en haut. Je le répète encore une fois, c'est la façon plus facile de comprendre. Le voyageur demande du beau temps, le paysan demande de la pluie, puis Dieu hésite. Alors, il faut que l'humain finisse par comprendre clairement que ça ne fonctionne pas comme ça, les mécaniques de sa vie. Et puis, comme c'est un sujet qui est long, c'est pour ça que c'est partie 1. Je me demandais d'expliquer le titre. Là, je viens d'expliquer là. Période critique de la vie, donc, c'est l'être humain qui arrive au fond d'une partie, hein, parce que l'être humain n'arrivera pas au fond de tout en même temps. Il y a des êtres spirituels écœurés ou matériels écœurés qui aimeraient ça arriver au bout du spirituel et du matériel, au bout de tout. Tu sais. Là, je t'ai carré, maintenant. Mais c'est dangereux. Habituellement, ces gens-là ne survivent pas. Donc, l'humain va arriver au bout des deux morceaux dans certaines facettes de son expression. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'humain va se rendre compte, par exemple, que sa religion ne lui rapporte pas ce que tout le temps... Bref, que sa religion ne le sécurise plus. Bon. Et là, l'humain n'est pas nécessairement convaincu que la matière le sécurise. Mais là, il est prêt à être centré. Parce que là, il n'est pas dans un, il n'est pas dans l'autre, il est où? Il est tout seul. La centricité dans son intelligence, c'est justement quand on se retrouve tout seul, avec soi-même. Ça n'empêche pas de se retrouver en groupe, de façon à échanger des énergies, à échanger des mots, à amener des façons de penser, etc. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que l'homme, la femme, l'enfant, soit son seul maître. Ça veut dire que nécessairement, il doit être capable d'être centré. Ça veut donc dire qu'il doit être capable d'être tout seul. Comme je dis souvent, ça ressemble, dans certains cas de grosses crises, à une chute dans un vide sans fin. Puis je répète, vu qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de danger. Puis l'humain a peur énormément. Parce que comment c'est d'arriver au fond, c'est ça, du vide sans fin. Mais comment c'est décrit, c'est comme si, bon, l'humain est tout seul, mais l'humain, pour plusieurs personnes, il est nulle part aussi. C'est parce que l'être humain n'est pas capable. Premièrement, l'homme, la femme, l'enfant ne s'aiment pas. Individuellement, ils ne s'aiment pas. Pour s'aimer, il doit faire des parallèles. Parce que l'être humain